De nos jours, beaucoup de jeunes européens trouvent dans la coopération une façon de visiter d'autres pays tout en cherchant une expérience de travail et de solidarité. Entre les années 2007 et 2008, Eva Campos-Müller a fait un séjour de 8 mois en tant que coopérante au Cameroun. Elle nous raconte ce qui l'a motivée pour entamer ce projet, ses premières impressions dès son arrivée à Yaoundé, ainsi que son expérience et sa vision de la coopération, ses atouts, ses inconvénients, son potentiel, tout aussi bien dans les pays d'origine comme dans les pays d'accueil. Alors, je suis partie là-bas parce que j'avais fait une formation en coopération. Et lorsque cette formation a abouti, j'ai vu l'occasion d'aller travailler là-bas sur place au Cameroun avec une ONG qui s'appelle les Ingénieurs sans frontières. Et ça me permettait d'utiliser donc mes nouveaux acquis en coopération et de les combiner avec ma formation précédente. Et c'est pour ça que je suis allée à Yaoundé en 2007. Donc avant ton expérience comme coopérante, tu avais déjà une formation dans le domaine. Donc qu'est-ce qui t'a fait étudier, prendre cette formation comme coopérante? C'était par rapport un peu à mes intérêts personnels qui peuvent être liés à l'intérêt vis-à-vis d'autres cultures ou l'anthropologie. Et ceci parallèlement à mes intérêts un peu de participer activement à essayer de trouver un équilibre ou à ne pas rester les bras croisés face à un certain nombre d'injustices ou de déséquilibres. Donc en 2007, tu dis que tu pars au Cameroun, à Yaoundé. Pourquoi le Cameroun ? En fait, très simplement, c'est parce que le projet qui m'est arrivé et que j'ai trouvé très intéressant se développait là-bas. Et donc voilà, c'était un peu ça. C'était l'Afrique, un pays africain. Donc ça m'intéressait déjà à cause de ça. Et bon, après, parce que mes connaissances pouvaient être appliquées là-bas et à cause de la langue aussi. Et alors, qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Tu es resté combien de temps ? Depuis juillet 2007 jusqu'en avril 2008, il s'agissait d'un projet qui avait lieu dans plusieurs quartiers défavorisés de la capitale, donc de Yaoundé. Et il y avait deux parties dans ce projet. Il y avait un volet social et un volet travaux, soi-disant. C'était la partie plus d'ingénieur. Mais bon, ce qui m'intéressait vraiment, c'était que toute cette partie aménagement de routes, construction de puits, accessibilité à l'eau, etc., était fondée sur tout un travail social, d'associativité, travail vraiment, vraiment en profondeur avec les gens et leur participation dans la vie de la ville. Et alors, quand tu arrives à Yaoundé, qu'est-ce que tu trouves là-bas? Qu'est-ce qui te surprend aussi? Je parle de mon expérience personnelle, peut-être, d'abord. Pas tellement par rapport à mon expérience en tant que coopérante ou comme personne qui travaillait là-bas. Donc, comme personne qui arrive là-bas, moi, j'avais jamais voyagé en Afrique avant. La première chose, c'est la sensation, la nuit où je suis arrivée, de bruit et de beaucoup de gens et de beaucoup de vie sur hors des maisons, dans les rues. C'est ça, un peu, la première sensation que j'ai éprouvée. Et après la première ? Et après la première, déjà, le lendemain, on est allé visiter, on travaillait donc les Ingénieurs sans frontières travailler avec une ONG locale qui s'appelle ERA Cameroun. C'est des ingénieurs aussi. Et donc voilà, on a rencontré les gens de l'ONG et on a très vite travaillé. L'impression, c'est que c'est des gens qui savaient vraiment ce qu'ils faisaient, avec une formation du plus haut niveau. Donc, par rapport aux préjugés que l'on peut avoir quand on part d'ici, d'un pays européen, et on a une formation en coopération et on n'a jamais voyagé, on pense qu'on va aller là-bas et qu'on va trouver des gens qui savent pas trop ce qu'ils veulent. On va là-bas leur ramener pas seulement les fonds ou l'argent ou le matériel, mais aussi la connaissance et les idées. Mais en fait, on arrive là-bas et on trouve que c'est des gens qui sont très organisés, qui sont très formés, et même s'ils ne le sont pas, ils sont très actifs, et elles sont très actives aussi. On se retrouve à travailler avec beaucoup d'associations, de petites ONG qui sont organisées entre elles. Il y a vraiment un réseau. Et en fait, on n'a pas tellement de choses à leur apprendre. On ne va pas là leur montrer ce qu'ils doivent faire. Ils savent les besoins qu'ils ont. Le problème, c'est que, bon, à cause d'un certain gouvernement, peut-être que ce n'est pas tellement facile de pouvoir aboutir à ce qu'ils veulent faire. Avec majoration. Crédit remboursable dans 100 ans. Plus des années d'échelonnement dans du système. Je suis revenue de là-bas avec l'impression que l'idée que j'avais avant de partir était très très fausse. Je suis rentrée avec l'idée que la coopération devrait être faite autrement. Je pense qu'il y a de grandes ONG qui font très bien leur travail, mais je pense qu'une grande majorité a perdu la perspective. Et toutes ces grandes institutions ou ces grandes ONG, soi-disant, je ne parle pas tellement des petites et plus indépendantes, mais celles qui sont vraiment des entreprises, qui fabriquent des projets, qui sont des structures vraiment très grandes et très lourdes, n'ont plus vraiment un lien avec ce que la coopération devrait être, du moins dans le concept ou nos idées. C'est des entreprises qui, pour survivre, doivent toujours avoir des projets en cours, ce qui se traduit par le fait que l'on invente presque des projets. On n'écoute plus les besoins des gens qui sont là-bas et qui savent ce qu'ils ont à faire. On ne va pas vraiment coopérer avec eux, mais on va créer des projets pour pouvoir avoir des fonds et continuer à fonctionner. Et je ne sais pas, il y a vraiment des choses assez scandaleuses. Moi, étant là-bas, j'ai eu la connaissance d'un projet qui marchait grâce à des fonds FAD, qui sont des fonds du gouvernement espagnol. C'est soi-disant une coopération entre gouvernements. Mais bon, la réalité, c'est que c'est un emprunt qu'un gouvernement espagnol fait au gouvernement camerounais, en ce cas. Et dont les intérêts sont ce qu'on connaît comme dette externe, tous ces pays. Et ce qui est scandaleux, c'est que bon, on leur prête de l'argent, mais 70% de cet argent doit être investi auprès d'entreprises espagnoles. Donc on se rend compte que c'est vraiment un petit business, presque la coopération. Mais bon, je veux pas être tellement négative, parce que la partie plus optimiste, c'est que la coopération a vraiment une raison d'être. Et comprise d'une autre façon, elle peut apporter, je pense, que beaucoup de bénéfices, de bienfaits, aussi bien là-bas qu'ici. Et je pense à des coopérations plus indépendantes, qui seraient plus entre petites structures ou petites associations. de la même façon qu'on fonctionne ici, avec nos associations, et on crée nos réseaux. Pourquoi pas le faire ailleurs, non ? Pas tellement local, d'une façon plus large géographiquement, mais avec, en gardant en tête cette idée du local et de l'entraide, et pas tellement on va vous sauver et on sait tout ce qu'il faut faire, pas du tout. Voilà. Un peu par rapport au profit que peut avoir la coopération ici, est-ce que tu sens que tout ça peut servir pour briser certains préjugés qu'on peut avoir, par exemple, par rapport aux étrangers ici ? Je pense. Je crois qu'on est tous un peu victimes de cette idée ethnocentriste. On croit que qu'on est vraiment au-delà par rapport à l'évolution entre guillemets. On croit qu'on a acquis tout un tas de choses aussi bien matérielles qu'au niveau éducatif ou à savoir. Et on croit que vu que de ce point de vue du développement, on est mieux ici, on croit que les autres, c'est des gens qui sont moins préparés, qui sont plus, les petits Africains, ou c'est un peu protectionniste, un peu. Et en fait, non, c'est. On a des gens aussi préparés, aussi actifs, aussi, c'est un peu pareil. C'est ça. Mais merci beaucoup, Eva. À une prochaine fois, peut-être. Merci, avec plaisir. À bientôt. Car l'humilité me sert de la gloire. Avec ces mots qui songent à un autre modèle de coopération, nous mettons bout à cette émission. Les musiques qui accompagnent l'émission, réalisées par Michael Valero, sont des chanteurs camerounais Lapiro de Mbanga et Longue Longue. Yeah.